живой. Le loup dans la bergerie est entré déjà depuis longtemps. Take control of your house. I want to take. You forgot the gift, the death, you forgot. Tu devras rembourser. Tu devras rendre. T'auras pas le choix.